D'aventure en aventure, la compagnie de mercenaires a fait du chemin. D'un combat commun contre un bandit de campagne, nos compagnons ont décidé de suivre la même histoire. Fameux guerriers, le royaume murmure leur talent depuis qu'ils ont ramené la justice dans une cité du sud. Aujourd'hui, c'est le nord qui les voit venir, en quête de repos et de calme. Mais peuvent-ils avoir du repos quand leur nom brûle les lèvres des plus grands ? Artan, peinant à soigner la vampire, fut aidé par Elerina, elfe de Nayor, qui rejoint ensuite la compagnie. Ainsi donc, cette nouvelle aventure vous a conduit jusqu'au clan Olorwar, le clan de la famille de Jalan. Vous avez été accueilli en attendant de savoir ce que vous avez à faire. Est-ce que vous voulez découvrir davantage les lieux ou vous voulez surtout vous reposer du long voyage que vous avez fait ? Avant, est-ce qu'ils aiment bien les dragonniers ? En effet, t'as pu voir parmi eux certains dragonniers, des très jeunes dragons. Tu dois te douter que c'est des dragonniers qui sont un peu en pause, quoi. Enfin, ils ont quitté... Ouais. Dans ce cas, je prends mon dragon et je fais un tour des lieux pour faire la map. D'accord. Est-ce qu'ils aiment bien les elfes, du coup ? C'est un peuple libre, donc tu vois qu'il peut y avoir n'importe quelle ethnie. C'est principalement des anges, ici. Tu vois que c'est... Parce que vous pouvez d'ailleurs noter que Jalan fait très très tâche, puisque ses ailes sont grises, eux sont tous très blanches, enfin toutes les ailes sont blanches, quoi. D'accord, bon bah du coup je vais faire... Du coup, ouais, y a pas de problème au niveau de ethnie. Hein, voilà. Je vais faire un petit tour, voir ce qui... Je sais pas, pour observer, voir s'il y a des gens à rencontrer, je sais pas, je vais me balader, je vais... D'accord. Partir en solo. Moi, ce que j'aimerais, c'est surtout me reposer au coin d'un arbre, parce que je suis très fatiguée du voyage. D'accord. Ainsi donc, alors que tu cherchais un endroit où te reposer, c'est le grand-père de Jalan, que tu reconnais parce qu'il a quand même des traits assez familiers avec elle, notamment la chevelure rousse, qui va venir te proposer directement de dormir dans l'une des chambres de la demeure, hein, parce que ça reste une très grande maison, hein, une maison... Pour vous, ça peut être un peu austère, mais pour eux, c'est vraiment très spacieux. Et il s'appelle Ivan, hein. Jalan vous en a déjà parlé. Du coup, est-ce que tu acceptes ou pas ? Oui, j'accepte avec plaisir. D'accord, ok. Bah, tu vas pouvoir aller avec Jalan, parce qu'elle-même, c'est pareil, elle va vous abandonner en mode « Moi, je vais dormir !» Voilà. Du coup, Artan, que fais-tu pendant ce temps-là ? Bah, comme on s'est vu il y a très peu de temps, on peut commencer à parler ensemble des souvenirs de notre ville, etc. et tout, des trucs comme ça, quoi. Oui, c'est ça, vous pouvez passer du temps ensemble. On passe du temps ensemble et puis voilà, quoi. D'accord. Avec qui ? Bah, avec toi. J'ai dit que je partais en solo ? Bah, visiblement, non, maintenant il suit. Bon, du coup, c'est vous allez régler ça à RP. Voilà. Vous allez cueillir des champignons. Oui. À côté ? Lance-moi un D20 pour voir si t'arrives à bien cartographier le truc, c'était quand même fatigué. 18. Tu vas... Ok. Donc ça va, tu vas réussir à repérer les lieux, tu vois que les terres hors leur roi s'étendent quand même vachement. Mm-hmm. Donc il y a pas mal de petites fermettes, tout ça, c'est quand même un lieu très actif. Et ouais. Du coup, sur la map, enfin je veux dire, ça s'étend... Ok. Et y a rien de significatif Non, c'est assez calme. Hein. Tu vois qu'ici, la vie fait son chemin. Ok. Et Zaafiel, toi, que fais-tu durant ce temps ? Je vais tout simplement me balader dans le village et observer un peu, en fait. Tout simplement. D'accord. Bah, si tu veux, tu peux soit te mêler du coup au petit groupe que tu vois partir, soit tu peux faire ça en solo. Est-ce que tu veux... Je suis un peu crevé, j'ai une matière. Tout le reste du groupe est parti ensemble ? Alors, Jalan et Kali sont partis se reposer. Donc, elles sont entrées dans la maison principale. D'accord. Baal est parti avec son dragon repérer un peu les lieux, voire survoler. Traîner un peu avec les dragonniers du coin. Il n'en croise pas souvent, donc autant en profiter. Et tu vois ensuite Artan et Elerina partir aussi dans leur coin. Ok, bah, je vais faire un tour dans mon coin tranquille. Ok. Tu cherches à faire quelque chose de particulier ou pas ? Vraiment de l'observation. D'accord, ok. Du coup, tu peux me jeter un D20 pour savoir si tu observes des trucs particuliers. 15. D'accord, bah tu vois que c'est vraiment un coin assez tranquille. Il y a des gens qui te regardent pas très bien parce que tu sembles un peu bizarre. Mais bon, des gens qui... qui te regardent bizarre, enfin, tout le temps, hein. Il y a des gens qui vous regardent bien bizarre dans la rue, c'est pas pour autant que vous êtes des monstres. Hein. Du coup, de votre du côté des elfes, que voulez-vous faire exactement ? Pourquoi tu me suis, Artan ? J'ai dit que je partais toute seule. Bah rien, je voulais parler un petit peu de l'époque, un peu plus du pays, parce que tu sais bien que je suis parti dans le village des humains pour les aider, etc. et tout. Donc voilà quoi, après on peut toujours se reparler, hein, à moins que tu me fais la gueule, mais voilà quoi. Mais non mais j'ai dit que je partais toute seule, j'ai vraiment pas envie de parler du passé, je suis partie d'une ailleurs pour une raison, j'ai pas envie d'y retourner même en parlant avec toi. Bon. Eh bah si elle veut pas parler, bah c'est bien, moi je vais aller me coucher. Après que Arthas soit parti, bah j'accélère le pas parce que ça m'a un peu énervé ce qu'il a dit et je regarde plus rapidement des deux côtés pour voir s'il se passe des trucs ou pas. Du coup, c'est un village de guerriers, hein. Enfin, il n'y a pas que ça, il y a des gens qui travaillent parce qu'il y a des petites fermes à côté, il y en a qui s'entraînent, il n'y a rien de particulier, puis tu t'attardes pas spécialement là-dessus en fait. Du coup, ton personnage, est-ce qu'il continue de se balader ou est-ce qu'il retourne voir les autres alors que... Je sais pas, ça a été une longue route, donc je pense que Elrina va faire demi-tour et je vais aller me coucher. Coup, balle. Après, ta petite sortie avec les autres dragonniers, tu vois qu'ils te tiennent très en respect, hein, parce que t'es quand même un dragonnier de la deuxième génération, ils en croisent pas beaucoup, et... ça t'a fait un peu étrange quand même de retrouver de telles sensations, de retrouver un peu les tiens, même si c'était pas prévu. Mais du coup, est-ce que tu rejoins les autres ou est-ce que toi tu fais ta vie de ton côté ? Ben, je vais quand même chercher Zaafiel. Je vais lui dire que pour la nuit, je vais pas rester avec eux. Je vais aller rejoindre mes compères dragonniers. Et puis on va aller jeter un godet. D'accord, ok. Connard ! Qu'est-ce qu'il me veut, le frimeur ? Tu m'excuses, mais là je viens de survoler les environs. J'ai cartographié la zone. Ben, je te passe la map si tu veux. Ouais. Et du coup j'ai rien vu d'anormal, c'est surtout des fermettes et puis on voit tu vois que le village où on est c'est à peu près les environs, on va dire. Et du coup j'ai rencontré des compères dragonniers, donc je vais passer la nuit avec eux, on va aller jeter des godets. Et du coup je reste pas avec vous ce soir. Ok, je ferai passer le message aux autres. Ok, parfait, merci. Du coup, avant que vous alliez vous reposer, ceux qui sont rentrés dans la maison, c'est Zaafiel qui va finir par vous rejoindre, du coup, pour vous apporter des nouvelles au sujet de Baal. Bon, les gars, Baal s'est fait des copains dragonniers, du coup, il va passer la nuit avec eux, du coup, il sera pas du tout cette nuit. Voilà. D'accord. Ok, pas de soucis, pas de problème. Bon, il fait ce qu'il veut. Je vous préviens d'ailleurs, c'est Jalen qui parle, oui, que moi de même, je vais sans doute pas passer la nuit avec vous, je vais sans doute me reposer, puis on se retrouvera au petit matin. D'accord. Ça fait un peu du bien de revenir sur ses terres natales. Donc. On comprend. Du coup, si vous n'avez pas d'autres échanges à faire, on va passer à la soirée. Enfin, principalement la nuit, parce que vos personnages, je pense pas qu'ils ont spécialement la force de faire autre chose que dormir. Hein. On verra ça au petit matin. Vous pouvez tous me jeter un D20. 16. 5. D'accord. Faut rien demander à Lérina durant la nuit. Elle est vraiment épuisée. Elle va dormir et c'est tout. 19. Toi tu vas vite te reposer en fait, donc je veux dire au petit matin tu seras vraiment très frais, donc voilà. 11. Toi t'es quand même épuisé, donc Kali est épuisé, Artan est vraiment assez bien, hein, et Elrina elle est décédée, voilà, elle est vraiment épuisée, donc faut pas lui demander grand chose, hein. Vous n'êtes pas sûr qu'une nuit suffise à la remettre avant de reprendre le voyage s'il le faut. Moi j'ai fait 10. D'accord, du coup, Zaafiel c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil que Kali, il est fatigué, donc ce sera un peu plus tard, assez tard dans la matinée qu'il se réveillera sans doute. Hein. Attendez, je lance les dés de mon côté. Du côté de Baal, ça va, tu vas passer une bonne soirée en compagnie des dragonniers, t'as l'habitude de boire de l'alcool. Donc ça tient. Faites-moi tous un jet de perception. 39. D'accord. Idem, 39. D'accord. 45. 33 du coup. Et moi 40. D'accord. Du coup, au milieu de la nuit, vous allez entendre du bruit qui va potentiellement vous réveiller. Il y a du grabuge. Enfin, après, vous voyez quand même que les gens, ils picolent pas mal, hein. Ils sont joyeux, donc c'est possible que ce soit que des mecs qui se battent. Donc rien d'effrayant. mis à part pour Baal qui lui n'est pas avec vous. Du coup, au milieu de la nuit, tu vas voir qu'il y a des hommes armés qui vont être rentrés dans le village et que c'est pas juste du crapule. Vu que je suis encore avec les copains, je leur dis qu'on va aller jeter un œil et qu'on va aller discuter. D'accord. Du coup, tu vides ta chope, tu laisses ça en plan. Je laisse ça complètement en plan. Je laisse deux pièces sur le comptoir au cas où et puis voilà. D'accord, donc c'est surtout au niveau de la place principale du village qu'il y a du bordel. Mais du coup, vous approchez, c'est ça? Ouais, ils sont combien? On en voit combien? Refais-moi un jet de perception. 26. Non, c'était un 1 que t'as fait là. Oui. Quand vous faites un 1. Oui, c'est échec critique. Quand vous faites un 20, ça faut le dire par contre, parce que vous n'avez pas à rajouter votre bonus ou votre. D'accord. Parce que le 1 est un échec critique, le 20 est une réussite critique. D'accord. Donc je regarde pas dans la bonne direction en fait. Oui, c'est ça. Toi, on va dire que tu vas surtout être attiré parce que t'as vu un chat passer. Chat. C'est ça, donc. On va dire aussi qu'il y a l'alcool qui t'a aidé, donc tu t'es pas concentré, donc tu vois pas pour le moment ce qu'il y a. Et, ok. Ça se voit sur votre gueule hein, que vous êtes des dragonniers, hein, je veux dire, vous êtes tous, vous avez à moitié quand même des écailles qui poussent sur votre visage, c'est un peu le principe du dragonnier au bout d'un moment. Du coup, en vous voyant arriver, les mecs vont fuir. D'accord. Ça doit pas être les seuls, mais vous allez pas pouvoir les rattraper parce qu'ils fuient directement. D'accord. Je sais pas pourquoi ils sont là, ça se trouve c'est juste des bandits qui sont perdus dans le coin, qui sont ici, et puis au final ils se sont rendu compte qu'il y avait des dragonniers dans le coin, et du coup ils se sont dit « Hop hop hop, on s'en va !» D'accord. Donc je vais dire aux gars qui sont avec moi de surveiller les lieux et moi je vais poursuivre le chat. D'accord. Je m'en fous, j'ai vu un chat, je poursuis le chat. D'accord, ok. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait ce chat? C'est un chat, faut que je poursuive du le coup, chat. Du coup, pas besoin que je te fasse un jet de dé pour ça. Hein. Mais du coup, tu vas pouvoir poursuivre le chat, il est pas agressif, tu vas pouvoir le récupérer un peu plus loin parce qu'il a quand même fui en entendant le bruit. Et voilà, c'est un petit chat gris. D'accord, je le prends dans mes bras, je fais des câlins et je retourne voir le groupe. D'accord, ok. Tu leur avais déjà demandé quoi au groupe? Qui reste là sur la grande place et qu'ils surveillent les alentours s'il y avait d'autres gars qui étaient planqués pour faire et qui tendaient une embuscade ou un truc dans le genre. Du coup, les jeunes dragonniers, emplis par la fierté quand même d'avoir un ordre d'un dragonnier de la deuxième génération, ont très bien rempli leur mission, ils sont restés à leur place, ils ont bien surveillé. Ils ont vu qu'il y avait d'ailleurs d'autres petits groupes de personnes qu'ils avaient fui. Ouais. Mais ils les ont pas poursuivis parce que ils avaient pas l'air spécialement armés ni rien. Enfin, je veux dire, ça devait être des bandits qui essayaient de voler. D'accord, ils étaient à peu près combien? Devait y avoir une dizaine de personnes. Ça commence à faire un peu beaucoup. Ok, dans ce cas-là, je leur dis de rester là, de... Ils sont combien en tout? Il y en a 5. D'accord, je dis qu'il y en a 3 qui patrouillent dans la ville pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs. Et puis moi, je vais aller à la maison de Ivan et réveiller le groupe pour leur dire qu'il se passe des choses. D'accord, ok. Du coup, je rentre dans la maison en mode police. Je défonce la porte à coups de pied. Histoire de bien réveiller tout le monde au cas où il y en avait qui dormaient encore. C'est Ivan qui va t'arrêter en premier. D'accord. Parce que Ivan était encore quand même dans la grande pièce. Qu'est-ce que ce bazar? Vous n'avez pas eu d'éducation ou quoi? Vous avez beau être un dragonnier de seconde génération, je vous demanderai d'avoir du respect pour la tenue de ma demeure. Excusez-moi, mais j'ai un peu forcé sur la bouteille ce soir. Je pense que ça peut jouer. Allez-vous coucher, jeune homme. Je m'apprêtais justement à aller dormir. Il t'appelle jeune homme. C'est gentil. Ouais. Il t'appelle jeune homme. Je le prends pour un compliment, je suis alcoolisé. D'accord. Je suis complètement bourré, je le prends comme un compliment. D'accord. Et du coup, excusez-moi, mais j'étais sur le point d'aller me coucher quand, je ne sais pas si vous avez entendu de chez vous le tintamarre qu'il y a eu sur la place du village, mais j'ai l'impression que le village allait subir une attaque. Et c'est pourquoi que, étant donné que je sais que ma troupe, que mes compagnons sont, que vous accueillez mes compagnons, j'étais venu pour les réquisitionner, pour qu'on aille faire le tour des alentours, au cas où il restait des bandits dans le coin. Eh bien, faites. Jalan est déjà parti pour cela. D'accord. Vous pouvez m'indiquer la chambre. À droite, après ce couloir. Merci. Du coup, je réenfonce la porte en mode police. Du coup, il enfonce la porte en mode police. Vous êtes en droit de vous réveiller avec en mode qu'est-ce qui se passe et de préparer les trucs. Putain, mais c'est qui fait chier là? C'est moi. Moi, je balance mon oreiller à la gueule. D'accord, ok. Est-ce que je peux faire un jet pour le choper directement à une main? Tu peux essayer. 7. Il va pas le rattraper. Donc, dommage. Oh, mais qu'est-ce que tu branles? Ce que je branle, c'est que là, le village est potentiellement attaqué, donc tu prends ton barda et on va dehors casser du méchant. Ok. Et t'es obligé d'enfoncer une putain de porte pour ça? Je viens de m'enfiler 8 tonneaux. J'ai le foie en miettes. Donc, soit tu viens, soit je te défonce la bouche. Bon, bah, j'arrive. Je bougerai pas, je suis crevé. Je vais faire de la merde, de toute façon. Je veux dormir. Reste mourir. Merci. Bon, Bal, j'ai très bien entendu ce que tu viens de nous dire. Du coup, laisse-moi m'équiper et j'arrive tout de suite. Allez, je vous laisse 5 minutes, je vous attends dehors. Du coup, les 5 minutes passent, hein, vous vous équipez, sauf du coup, Elerina qui a décidé de dormir. Bon, je bouge quand même un peu pour leur de... Je bouge un peu pour comme ça pour leur dire bon courage. J'ai Basile, il dort pas lui, c'est un hibou. Du coup, ton hibou peut discuter seulement avec Artan. Vas-y, tu écoutes Artan, tu parles à Basile. Bonne nuit. Ainsi donc, une fois tous préparés, vous allez pouvoir sortir du village et observer ce qui se passe. Hein. Tous les gardes sont en alerte. Déjà que c'est en train de patrouiller, donc que faites-vous? Eh ben, moi, je vais rejoindre la place centrale où j'avais laissé les deux dragonniers, puis je vais partir à l'aventure avec eux. D'accord, ok. Donc toi, tu pars dans les airs. Est-ce qu'on entend des cris, des trucs comme ça? Est-ce qu'on entend des mots compréhensibles? Non, il y a plus de cris. Hein. C'est vraiment été sécurisé, visiblement. Vous voyez qu'il y a quand même une bonne défense et que... Ah, ok, voilà, d'accord. Ça a été... Pour le moment, vraiment, le village a été sécurisé. Si jamais il y a une attaque... Ça a été réclé. Hein. Je vais aller au centre-ville voir ce qui se passe plus précisément pour savoir... Sur la place ? Ouais. D'accord. Moi, de mon côté, je vais monter sur les toits et regarder un peu s'il y a des choses... S'il y a des choses anormales qui se passent. Fais-moi un test d'acrobatie, voir si tu arrives à monter tranquillement sur le toit. Tu montes tranquille sur le toit. Oui, parce que du coup, avec un 14 sur le dé... J'imagine que c'est facile. Du coup, voilà, on va d'abord faire la scène de Artan. Non. Ça va d'abord être... Basile. Basile. Que fais-tu, Basile? Vu que la seule personne avec qui je peux communiquer, c'est Artan, eh ben, je vais suivre Artan, mais je vais voler au-dessus de lui. Je vais pas être sur son épaule, je vais voler vite. Pas très haut, mais juste au-dessus de lui pour d'accord, le suivre. Okay. Que fais-tu, Zaafiel? Moi, je vais suivre Artan et aller sur la grande place avec lui. D'accord, donc à 3, vous allez sur la grande place parler avec les gens. Bah, pour aller voir ce qui se passe, là où c'est le bordel, et puis voilà. D'accord, ok. Donc, c'est votre scène qu'on va faire en premier. Donc, vous allez facilement pouvoir trouver des gardes. Hein. Vous les reconnaissez avec leur blason. Hein. Ils ont un blason que toi, tu n'aimes pas trop, Zaafiel, puisque c'est la plume de Diftal. Ah, d'accord. C'est un ensemble de plusieurs images, en fait, leur logo. Il n'y a pas que la plume, mais tu la reconnais quand même. C'est une image très courante pour vous, la plume de Diftal, en fait. Fais-moi un test de connaissance, d'ailleurs, à ce sujet. 29, en tout. 29, ok. Tu sais que pendant très longtemps, il y avait deux dessins différents, représentant du coup la plume de Diftal, qui était les partisans de Diftal, et la plume de Estellan qui était les partisans de Estellan. Il y a deux plumes différentes et ça c'est la plume de Estellan, la plume de Diftal que tu vois sur eux. D'accord. Donc tu te sens pas très bien mais voilà, tu fais ce que tu veux avec cette information. Ok. Du coup voilà, on reprend la trame principale. Donc vous allez voir les gardes pour leur demander des informations. Donc je m'approche des gardes et du coup je lui dis nous avons eu vent comme quoi il y aurait eu quelques désagréments dans le coin, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je ne parle pas avec un démon. Pardon? Je ne te parle pas. On ne parle pas aux démons. Ça n'a pas sa place ici. Toi, t'es là parce que t'es un ami de la petite Jalan, mais tu nous parles pas. Et derrière, t'es là pourquoi? Bon, je vais intervenir justement. S'il vous plaît, monsieur le garde, on veut juste savoir ce qui se passe parce qu'on a entendu qu'il y avait du grabuge de la part de notre ami et on voulait savoir ce qui se passe plus précisément. Tu vois qui continue quand même de regarder Zaafiel mal, hein. C'est quand même des anges face à un démon. Il va hésiter un petit peu à te parler. Il y a des hommes qui se sont introduits. Ils ont juste voulu voler des choses. Comme on est dans un quartier riche. Mais le danger est écarté. Et tu te rends compte qu'il nous fait intervenir pour ça, Zafiel ? C'est n'importe quoi. Non mais Artan, essaye de poser des questions là. On avance pas là. Moi je suis sûr qu'il mente. Non, sérieusement, vous pouvez nous le dire. On est des mercenaires en fait. Je n'ai pas besoin de vous. Je vous dis que le danger est écarté. Donc je tourne le dos aux gardes et je me tourne vers Zafiel en disant chuchotement mais qu'est-ce qu'on fait là alors, parce que si c'est fait, on va pas pouvoir changer grand chose, non? Concrètement, vu comment ils me parlent, j'ai même pas envie de les aider, je retourne me coucher, salut. Bah je m'écarte aussi justement en attendant que Val arrive et puis bah pour lui dire ce qui se passe quoi. Moi je m'envole et je retourne voir Elirina. D'accord, ok. Du coup, c'est au tour de Kel. Oui. Du coup, tu escalades les toits pour voir ce qu'il se passe. Fais-moi un test de perception. 14. Attends, plus de perception, 25. Et 39. D'accord. Donc, tu vas pouvoir facilement observer ce qui s'est passé en allant de toi en toi. Tu vas remarquer sur l'une des petites places secondaires qu'il y a eu du combat. Mais c'est tout. Tu sais pas ce qui s'est passé plus que ça. Dans ce cas, je vais continuer quand même à faire le tour de la ville de toi en toi. D'accord. Refais-moi un test de perception. 40. D'accord. Tu vois qu'il y a des gardes qui visiblement ont essayé de poursuivre des hommes, mais ils ont fini par abandonner la recherche. Ceux qui fuyaient se sont enfuis. D'accord. Donc il n'y a plus grand chose qui se passe dans la ville là. Ok, dans ce cas, je vais retourner dans la maison principale et voir s'il y a encore des personnes qui sont levées ou s'ils sont déjà partis se coucher. D'accord. Du coup, en rentrant, tu vas retrouver Artan, Zafiel et le hibou qui sont retournés à la maison. Étant donné que maintenant vous êtes tous retournés au niveau de la maison principale, c'est au tour de Bâle. Ah d'accord, c'est pas grave. Tu voulais faire parce quelque que, chose. Oui, je voulais interpeller justement Artan et Zafiel. D'accord, bah fais-le. Artan, Zafiel. Ouais. J'ai fait les alentours un petit peu de la ville de mon côté et j'ai remarqué sur une des places secondaires que, enfin, il y a eu combat quoi. Enfin, il y a eu des combats entre anges et je sais pas quoi d'autre, mais il y a du sang, des plumes partout et j'en sais pas plus. Et oui aussi, j'ai remarqué un peu plus loin que des gardes ont essayé de prendre en chasse justement les on va dire les bandits, mais ils n'ont pas réussi à les rattraper. Donc il y en a qui se sont échappés alors. Oui, tout à fait. Mais on n'en sait pas plus. Voilà. Kali va pouvoir vous préciser elle sait que vous pouvez pas la rattraper maintenant. Hein, que voilà, ils sont partis. Mm. D'accord, oui, ils sont disparus. Okay. Ouais. Voilà. Refais-moi un test de perception. 29. Non, tu as pas. Pour toi, c'était que des plus. D'accord. Du coup, maintenant, nous allons. Après cette scène, nous allons passer du coup à Bâle. Oui. Que fais-tu exactement maintenant, toi que t'as rejoint tes dragonniers? On prend notre envol et on commence déjà par survoler le village. D'accord, donc. Du ciel, tu vas juste voir des gens qui se sont activés dans la ville. Ok, est-ce que au loin on voit ceux justement qui étaient en fuite? Il fait nuit. Oui, c'est pas faux. Du coup, on va partir plus en rase mode, qu'on survole les environs. Ouais. Et essayer de voir s'il n'y a pas des petits groupes qui courent ou des trucs comme ça. Si même plus loin, s'il y en avait qui n'ont pas allumé des torches ou qui sont en campement. Alors, du coup, fais-moi un test de perception. 6, je suis à 31. Tu vas remarquer qu'il y a eu des traces de sabots, donc ils ont dû partir à cheval, ils ont dû venir à cheval. D'accord. Mais tu vas pas réussir à trouver plus que ça. Et je peux pas suivre la trace. Tes dragonniers sont également nuls, ils vont pas réussir à voir plus que ça. Et non, les traces sont pas assez de nuit. De jour, t'aurais pu les suivre, mais de nuit, là, tu peux pas. D'accord. Et en même... plus, avec la fatigue et l'alcool, ça aide pas. Ouais. Bah du coup, autant rentrer et puis demander un rapport de la situation aux gardes. Et voir ce qu'ils pourront me dire de plus. D'accord. Du coup, une fois que t'es rentré, tu vas pouvoir retrouver facilement des gardes, hein, parce qu'ils sont vraiment dans toute la... Il y a un bon système de défense ici, vous le voyez. Du coup, il y en a vraiment à chaque coin de rue. Mmh. Et du coup, tu peux interpeller un peu n'importe quel garde. Hein. Excusez-moi, messieurs, mais je viens de faire je viens de voler au-dessus de du village pour voir ce qui s'était passé et si je pouvais retrouver la trace de ceux qui ont fait ça. Et malheureusement, je n'ai aucune trace. Mais est-ce que de votre côté, vous avez subi des pertes ou qu'il s'est passé quelque chose de particulier ou je sais pas, quelque chose ? Noble de votre part, dragonnier. Des troupes sont à leur poursuite. Après le grabuge dans le village. D'accord, bah je pense que je vais décuver ce soir et puis au petit matin, on prendra le... On les prendra en chasse. Parce qu'on ne laissera pas ce crime impuni. Vous savez, c'est des bandits. On ne s'en inquiète pas. Oui, mais un jour, c'est des bandits, puis peut-être qu'après, ce sera autre chose. Notre système de défense est très bon ici. J'ai pu le constater, j'en suis extrêmement fier également. Du coup, je ne vais pas vous importuner plus et je vais aller me coucher. Fort bien. Du coup, avant de partir, je fais quand même Enfin, je remercie quand même les dragonniers qui m'ont accompagné et... Ouais. Et je leur paye le s'ils piotent à la taverne, je leur paye quand même la nuit parce que je suis gentil. Non, ils ont enfin s'ils sont ici c'est parce qu'ils ont de la famille. Mais du coup ils te remercient quand même de ta gentillesse et justement parmi eux il y a une enfin parmi les cinq dragonniers il y en a une c'est une femme, c'est très très rare une femme dragonnière. Mmh. Tu le notes. Mais elle te remercie vraiment d'avoir été parmi eux et d'accord et d'avoir contribué un peu à leur donner de l'expérience. D'accord. Bah si on peut les faire level up. Du coup je vais me coucher. Ok. Comme je t'avais dit, j'ai dit que j'attendais Bal, tu vois, pour lui dire ce que j'avais dit des gardes. Donc là comme je le vois qu'il repart, bah je repars aussi justement directement là-bas au. Bah Bal vient de rentrer en fait là pour le coup. Oui, bah moi je le rejoins là-bas, comme j'ai vu partir avec son dragon. D'accord. Du coup, je scénarise votre scène, parce que j'imagine que tu vas lui rapporter les informations que t'as eues. Oui. Du coup, voilà. Vous êtes quand même tous épuisés, hein, au final, il semblerait que c'est pas grand-chose. Donc, vous allez tous aller vous coucher, et puis passer le reste de votre nuit à dormir. Du coup, ça a été quand même une nuit plutôt mouvementée pour vous, mis à part pour Elerina, parce qu'elle vous a dit « Démerdez-vous, moi je dors voilà. !» Et il y a eu du coup des mauvaises surprises, hein, parce qu'au final, Zaafiel s'est fait traiter de démon, tout ça, ça vous met pas trop en joie, vous savez pas trop ce qui s'est méchant. Passé. J'ai très beau voir mon petit cœur tout noir. Mais du coup, le matin va se lever. Enfin, voilà, c'est un matin comme les autres. Jalan n'est pas rentrée. Elle vous avait prévenu, hein, elle n'est pas avec vous. Elle était avec potentiellement des hommes du village. Hein, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Mais au matin, du coup, elle n'est toujours pas avec vous. Voilà. Du coup, vous êtes dans votre pièce, tout ça. Moi, je rush voir mes amis dragonniers. Et puis, je vais directement voir les gardes. Pour qui viennent nous aider à pister les bandits d'hier soir. Du coup, Bal, pour le moment, tu veux sortir rejoindre les dragonniers. Ouais. Kali, que fais-tu à ton réveil ? Moi, du coup, je vais... J'interpelle Bal. Ok. Bal, si... Enfin, si tu veux, je peux t'accompagner si besoin. Je sais pas, comme tu veux. Bah, bien sûr, tout à dès la bienvenue. Bah, dans ce cas, je viens avec vous. D'accord, du coup, vous vous préparez pour sortir. Artan. Bah moi, je vais juste aller dans la pièce de manger, la salle à manger, pour prendre juste... je vais prendre un thé et puis des toyosts, voilà. Et Lina ? Bah moi, je me réveille doucement, je somnole encore un peu, faut pas me parler encore. D'accord. Mais vu que Basile est à côté de moi, mais lui il dort, j'essaie de le réveiller gentiment et lui demander ce que lui il sait et après je le laisse dormir. D'accord, ok, donc tu seras la dernière à agir. Zaafiel ? Moi je suis Tubartan de toute façon. Voilà. Du coup, quand vous allez sortir de la pièce, vous allez entendre la voix de Ivan Orleroy, vraiment énervé. Vous savez pas ce qui se passe, mais il a l'air d'être en colère. Et les gens qui sont là, ils sont quand même tout petits. Du coup, que faites-vous? Vous entendez pas trop ce qu'il dit. Hein. Je m'approche du Seigneur Holleroy. Je lui fais: Seigneur Holleroy, qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous aussi énervé de ce bon matin? Pourquoi suis-je énervé de si bon matin? Est-ce réellement une question que vous me posez? Mais j'en sais rien, moi. Vous en savez rien, mais Jalan est votre amie. Et elle n'est pas rentrée cette nuit. Vous êtes content? Oh punaise.